Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du dimanche matin sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique aujourd'hui, la confiance en soi. Une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, qui est sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en pleine forme. En pleine forme. Eh bien, bienvenue donc pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors, la confiance en soi est la clé de l'épanouissement professionnel et personnel. Or, avoir confiance en soi n'est pas donné à tout le monde. Et pour en parler, bien évidemment, fidèle au poste de l'instant présent, Dorothée donc Lacroix, sophrologue. Alors, avant d'aller plus loin, donc, Dorothée, première question, qu'est-ce que la confiance en soi ? Eh bien, la confiance en soi, c'est un concept qui permet d'avoir une vision réaliste de ses capacités à réaliser quelque chose. Alors, elle n'a pas d'unité de mesure, hein, on ne peut pas vraiment mesurer cette confiance en soi. Et de ce fait, eh bien, on s'auto-juge. On peut penser « j'ai confiance en moi » ou bien penser « je manque de confiance en moi ». Donc, plus qu'une pensée, je dirais que la confiance en soi, c'est un sentiment. Je sens que je suis capable. Et non pas « je pense que je suis capable ». C'est différent. La confiance en soi, elle est structurelle aussi. Elle se développe à l'intérieur de soi, en s'exprimant à travers les sensations corporelles. Alors, pour l'illustrer, si je prends la parole face à une assemblée et par manque d'habitude, eh bien, je risque de ne pas avoir confiance en moi. Et cela va se traduire par des manifestations physiques. La voix qui tremble, nervosité, de la rougeur. Et je voulais aussi préciser que la confiance en soi est différente de l'estime de soi. Ce sont des notions différentes. La confiance renvoie à la capacité de réaliser quelque chose, alors que l'estime, elle, se réfère à la valeur qu'on ressent pour soi-même. Alors après cette définition donc précise de la confiance en soi, peux-tu nous citer les avantages d'avoir confiance en soi ? Oui, bien sûr. Bah, effectivement, ressentir la confiance permet d'agir en toute cohérence avec soi-même, donc de s'affirmer. Et là, on rejoint la notion d'affirmation de soi. Elle permet aussi de faire des choix éclairés, de mieux gérer ses émotions, d'harmoniser ses relations, notamment aussi au travail, et de prendre des décisions importantes quant à sa vie amoureuse ou sa vie professionnelle. Elle permet aussi plus facilement d'oser, de se lancer dans de nouvelles choses et donc de favoriser à son développement personnel. Alors, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que la confiance en soi, elle est innée ou acquise ? Sous-entendu, est-ce qu'il y a des prédispositions à ce manque de confiance en soi, par exemple ? Est-ce que notre éducation peut l'influencer ? Alors, ce n'est pas effectivement une compétence innée. La confiance en soi s'acquiert tout au long de la vie. Parce que la conscience est fragile, volatile, parfois éphémère. Bien sûr, elle est notre plus grande force et aussi notre plus grande vulnérabilité. Il est admis en psychologie que si enfant, nous étions moins craintifs, plutôt à l'aise d'essayer de nouvelles choses et d'aller vers les autres, et surtout si nous étions beaucoup encouragés par nos proches, eh bien, notre confiance peut être plus solide et ancrée en nous. Alors justement, donc, Dorothée, si cet ancrage nous a fait défaut pendant l'enfance, eh bien, il n'est pas trop tard, hein, donc, car on peut consolider sa confiance. Alors comment ? Comment ? Eh bien, il y a 4 grands conseils à retenir sur la confiance. Le premier conseil, c'est comme on l'a dit précédemment, la confiance, ça vient du corps, ça passe par les sensations, ça vient du ressenti intérieur. La confiance, c'est profondément humain. Et donc, tout d'abord, il faut se sentir à nouveau vivant, habiter son corps. Se retrouver soi-même, se connecter à ses compétences, souvent oubliées et enfuies, permet de retrouver la confiance. Ça peut passer par des techniques méditatives et respiratoires. En gros, c'est se connecter au « qui suis-je ?». Et ensuite, eh bien, il faut s'entraîner à ressentir ce sentiment de confiance et l'agrandir en soi. Pour ça, il faut agir pour acquérir des expériences diverses qui vont nous mettre de plus en plus en confiance. L'action harmonise et synchronise l'ensemble de la physiologie de notre corps et tout s'aligne. Et plus je vais ressentir cette harmonisation et cet alignement, eh bien plus j'ai confiance car je suis profondément moi. Alors au-delà de l'action, il est important, je crois, Dorothée, également de favoriser la qualité des relations personnelles au travail ou dans sa vie privée. Oui, tout à fait. L'importance de la qualité des relations humaines, que ce soit à son travail ou dans sa vie personnelle, eh bien, est très importante. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la qualité des relations ? Bien, ça veut dire communiquer de façon authentique. Et dans l'authenticité, il y a aussi, et qui rejoint la notion de confiance en soi, eh bien, le fait d'apprendre à dire non. Puisque un non qui est bien dit et tout en alignement avec ses envies, ses valeurs, est bien plus puissant qu'un oui non assumé. Oui, tout à fait, Dorothée. Alors, d'autres conseils pour retrouver, pour consolider sa confiance en soi ? Alors, troisième conseil, et c'est là une condition indispensable à la confiance, c'est de travailler pour acquérir des compétences. Tout simplement, c'est du bon sens. Plus je travaille pour apprendre une compétence, et plus je l'acquiers, et plus je me sens confiant. Et un dernier conseil, peut-être ? Oui, le quatrième conseil, eh bien, c'est d'avoir confiance en la vie. Et là, eh bien, chacun peut y mettre ce qu'il veut derrière. Ça peut être avoir confiance en son karma, en l'univers, à l'énergie, au mouvement de la vie. Peu importe. Ces quatre conseils, eh bien, tous ensemble, comme l'expérience de la connexion profonde à sa confiance intérieure, la qualité des relations humaines, travailler sur ses compétences et avoir confiance en la vie, eh bien, permet une combinaison gagnante pour redevenir plus confiant. Alors, ce manque de confiance en soi concerne, je suppose, donc, tout public. Est-ce que, par exemple, les plus jeunes viennent te consulter justement sur cette problématique ? Oui, tout à fait. Des plus jeunes, voire même des adolescents, c'est surtout eux aussi qui consultent parce que voilà, il y a effectivement des problématiques rencontrées dans leur vie par un manque de confiance. Et c'est tout à fait logique puisqu'ils sont en pleine construction de leur personnalité. Et donc, ils ont aussi besoin de travailler sur leur confiance plus que jamais. Eh bien, comment on travaille avec eux ? Eh bien, on se connecte à leur ressenti intérieur, à leurs ressources. Et on les incite aussi à trouver des activités qui vont renforcer leur expérience et donc leur confiance. C'est important, dès le plus jeune âge et quand on est jeune, de développer la confiance en soi. Parce que, bien sûr, ça va favoriser des choix de vie par la suite en cohérence avec ce qu'ils ont envie d'être. Alors si certains manquent de confiance en eux, d'autres ont peut-être trop confiance en eux. Alors est-ce qu'avoir trop confiance peut être aussi préjudiciable ? On se rapproche peut-être de la situation du narcissisme. Oui, ça peut l'être. Une surconfiance n'est pas sans conséquence. Être trop confiant en toutes circonstances et tout le temps, eh ben, ça voudrait dire au final qu'on laisse place à la certitude. On est certain. Or, la confiance, ce n'est pas la certitude, parce que si je suis dans la certitude, eh bien, je n'ai plus de confiance. Il faut retenir que dans la confiance, il y a une prise de risque. Et effectivement, être surconfiant, ça peut surtout conduire à un ego surdimensionné et rendre difficiles les relations humaines. Ben, parfait, Dorothée. Donc, pour tous ceux donc, qui manquent de confiance en soi, donc, tu as pu montrer effectivement que rien n'est figé. Tout le monde est capable donc, de booster sa confiance en soi à condition d'apprendre à se connaître et d'y travailler régulièrement. Et c'est justement le thème que l'on va aborder dans la deuxième partie de l'émission avec des exercices pratiques pour retrouver une confiance en soi. Mais avant, on va faire une pause musicale en écoutant justement une chanson autour de la confiance en soi. Alors, Dorothée, quel est ton choix ? Eh bien, c'est Angèle avec le titre « Libre ». Oui, cette chanson, je crois, qui encourage à ne pas avoir peur d'être soi et de se mettre en avant. C'est une mélodie entraînante qui annonce au monde eh bien, que, justement, Angèle continuera d'avancer maintenant qu'elle a goûté à l'assurance et à la liberté. On écoute tout de suite donc Angèle « Libre ». Voilà, c'est ma voix là, la suite en musique. Sur scène en coulisses libre, me voilà. Mais sans toi là, la suite. attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Je livre, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. Hey, vivre libre, je ne veux plus tomber dans le piège des fous qui se mettent à genoux. Vivre libre, crois-moi ça. Voilà, c'était Libre, interprété par Angèle. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Oui, vous êtes bien sûr Radio Fadjet, c'est l'instant présent, deuxième partie de ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'occasion d'aborder le développement personnel sous forme de conseils pratiques. Alors, on a évoqué donc dans la première partie l'importance d'avoir confiance en soi. Alors justement, passons à la partie pratique. Dorothée, quel exercice peut-on conseiller à nos auditeurs ? Eh bien, je vais vous proposer un exercice où on va se poser et puis on va essayer du mieux qu'on peut, sans pression, de se connecter à un moment de votre vie où vous vous êtes senti en parfaite confiance. Il y en a forcément un. Il n'est pas nécessaire de rechercher des choses extraordinaires. Ça peut être tout simplement quelque chose que vous avez réussi, un examen, un permis de conduire, ou quelque chose que vous avez fait pour quelqu'un et qui vous a procuré un sentiment de joie et où vous avez pu ressentir cette confiance. Donc je vous laisse réfléchir quelques instants et tout en y réfléchissant, vous pouvez vous installer. Alors c'est conseillé de se mettre en position assise, mais plutôt confortable, de bien mettre le dos droit, les pieds en contact avec le sol, donc d'ajuster peut-être la hauteur du siège ou de ravancer le bassin. Et puis, de placer les mains au niveau de vos cuisses. Et si c'est plus simple pour vous, de fermer les yeux ou bien de fixer un point au sol. Je vous laisse quelques instants apprécier cette position en sentant que vous êtes bien là, assis sur la chaise, le fauteuil, et que vous ressentez vos différents points d'appui. Vous pouvez ressentir les muscles fessiers en contact avec l'assise du siège, le contact également des mains sur vos cuisses ou vos genoux, ou bien qui se touchent l'une contre l'autre, et vos talons au sol. Et puis tout doucement, vous allez vous centrer sur votre respiration, tout simplement l'accueillir et l'écouter en la laissant se dérouler le plus naturellement possible. En sentant simplement l'air au bord des narines qui entre et qui sort. De noter aussi là où ça bouge dans votre corps lorsque vous respirez, au niveau peut-être des clavicules, du thorax, du ventre, d'observer où cela bouge, où ça se modifie à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. De prendre un temps, d'être à l'écoute de votre respiration pour laisser déposer toute l'agitation. Et puis maintenant, vous allez essayer de relâcher votre corps du mieux que vous pouvez, en laissant votre tête se détendre du cuir chevelu sur l'ensemble de votre visage. Sentez tous les muscles qui se détendent, la mâchoire inférieure qui se relâche. De laisser aller vos épaules, de les laisser s'abaisser, de laisser aller les bras jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, de ressentir aussi que la respiration qui se déroule au niveau du thorax et du ventre, eh bien, permet de relâcher à la fois le ventre, mais aussi l'ensemble des muscles du dos. Sentez aussi votre bassin qui se détend et vos deux jambes jusqu'aux pieds. Comme une lecture de votre corps, en accueillant chaque sensation au fur et à mesure que vous lisez à l'intérieur de lui. Revenez sur votre respiration et vos sensations, si parfois votre attention s'évade. Et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, eh bien, plongez-vous dans ce souvenir de ce moment où vous vous êtes senti en parfaite confiance. Imaginez à nouveau l'endroit. Le contexte, tous les détails de ce moment, en portant attention à s'il y avait du bruit, s'il y avait d'autres personnes. De vous replonger dans ce souvenir comme si vous y êtes en cet instant, en y entendant les sons, les bruits, en ressentant à nouveau l'atmosphère de cet endroit. Et quand vous êtes à nouveau bien installé dans cet endroit, eh bien, ressentez par vos sensations corporelles ce sentiment de confiance. Et laissez-le s'agrandir à l'aide de votre respiration, que vous pouvez allonger, approfondir. Afin de laisser ce sentiment de confiance s'agrandir en vous. Et de revivre cet instant. Et notez simplement les sensations présentes. Et comment ça fait la confiance en soi? Comment c'est dans le corps? Comment on ressent sa présence? Prenez encore quelques instants pour ressentir cette confiance à nouveau. Peut-être même en vous imaginant réaliser un événement, quelque chose qui va nécessiter une confiance en vous dans les semaines à venir et de vous regarder et de vous voir comme vous regarderiez un film, et bien agir en confiance, parfaitement à l'aise, en pleine possession de vos moyens. Et ensuite, eh bien, vous pourrez reprendre une respiration un peu plus rapide. Vous pourrez revenir à votre rythme quand ce sera le moment pour vous, en bougeant tout doucement vos extrémités, en ressentant à nouveau l'arrière de votre tête, vos mains, vos pieds, peut-être même en vous étirant, en bâillant. Et en ouvrant tout doucement les yeux pour revenir ici et maintenant. Donc Dorothée, tu nous invites donc régulièrement à repenser donc à ces moments importants de notre vie où nous avons eu confiance en soi. On a tous dans notre passé ces moments. Oui, tout à fait. Et notre cerveau enregistre ces moments en termes de sensations et ça reste ancré en nous. Donc aller s'y reconnecter permet de faire remonter ces sensations, ces émotions et donc ce sentiment de confiance. Alors, au-delà des exercices à pratiquer régulièrement, quel autre conseil peut-on prodiguer pour retrouver cette confiance en soi ? Alors, en termes d'autres conseils, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, célébrons. Célébrer les victoires qu'on peut avoir dans sa journée, dans son quotidien, même si elles semblent minimes, banales. Voilà, c'est important. D'ailleurs, une patiente me disait récemment qu'elle avait pris conscience qu'elle accordait pas assez d'importance à ses petits succès du quotidien. Et je pense que c'est quand même bien aussi de se centrer dessus pour voir qu'effectivement, à certains moments, on arrive à avoir cette confiance. Ça peut être aussi se challenger. Alors, se challenger de façon douce, on ne va pas partir dans des choses trop extrêmes. Mais par exemple, trouver une activité ou juste quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps et que on procrastinait tout simplement parce qu'on avait un peu peur, parce qu'il nous manquait cette confiance. Donc prenez le risque, jetez-vous à l'eau. Ensuite, de cultiver donc son jardin intérieur, donc c'est ce qu'on vient de faire, par des techniques sophro-hypno-méditatives. Alors on peut s'aider d'applications comme Petit Bambou, comme bien d'autres applications autour de la méditation et de la relaxation. On peut aussi imaginer que l'on donnerait des conseils à quelqu'un dans notre entourage qui manque de confiance en lui, en imaginant que ces conseils, on se les adresse aussi. On peut, bien sûr, et ça c'est important, c'est cultiver ses relations, parce que plus on va cultiver des relations humaines, plus on va cultiver la confiance. Lire aussi des textes inspirants et motivants autour de la confiance, comme des podcasts. Et puis, fredonner sa chanson de la confiance. On en a tous une qui nous donne confiance. Oui, tout à fait, Dorothée. La musique stimule le cerveau et le corps et permet donc de retrouver confiance en soi. Il y a une étude qui a été menée justement par Columbia University qui a fait écouter 31 type de musique à travers donc différents extraits à des étudiants et on a pu constater que l'esprit et le corps intériorisaient davantage les basses et que notre cerveau associe ce type de musique à un événement marquant. Et parmi ces chansons, je vais te faire écouter un court extrait de la chanson donc qui est donc de Jack White qui avait réussi à faire de Seven Nation Army un hymne à part entière qui résonne dans tous les concerts et qui a redonné notamment confiance aux étudiants. On écoute un court extrait. I'm gonna fight them all. A Seven Nation Army couldn't hold me back. Bon, tu la connais cette chanson? Bah oui. Donc voilà, elle redonne confiance aux étudiants, c'est important pendant les périodes de révision. Et toi personnellement, as-tu une musique, une chanson qui te donne confiance? Ah bien oui, j'en ai une. C'est We Will Rock You de Queen. Les basses à fond, on devient les maîtres du monde. Et bien justement, on écoute un petit extrait de ce grand succès de Queen. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Allez, on va maintenant terminer notre émission parce que le temps passe très très vite, Dorothée. Alors, simplement, moi j'aime bien les phrases méditantes qui inspirent. Alors, est-ce que tu as une citation à faire partager à nos auditeurs ? Eh bien, je n'ai pas de citation cette fois-ci. J'ai plutôt une recommandation de série, une série sur Netflix donc, qui s'appelle Fiasco, qui est sortie, je crois, début mai. J'ai bien aimé cette série parce qu'en fait, Pierre Niney incarne Raphaël Valland, un jeune réalisateur qui tourne son premier film. Et donc, bien sûr, il a les compétences, il croit en son film, mais il manque cruellement de confiance en lui. Et il n'est pas du tout aligné avec ses envies, ce qu'il souhaite dire ou faire, et surtout, il ne sait pas dire non. Je trouve que cette série, elle est vraiment à la fois drôle et émouvante aussi. Et je trouve que c'est assez instructif de tout ce qu'il ne faut pas faire. Très bien, mais moi j'ai une citation de Thomas Fuller, « Tout est difficile avant de devenir facile », qui m'a beaucoup aidé à certains moments de la vie où j'avais des doutes en moi. Allez, pour terminer rapidement, Dorothée, un ouvrage éventuellement à conseiller ? Alors j'en conseillerais un, oui, Sabrina Philippe, « Le petit manuel de navigation pour l'âme ». Donc Sabrina Philippe est psychologue de métier, rédactrice et chroniqueuse sur Europe 1 et elle s'est donnée pour mission principale la recherche de la connaissance de soi et dans cet ouvrage elle en propose la quintessence. Très bien Dorothée, j'espère qu'on a été le plus exhaustif possible vis-à-vis de nos auditeurs et j'espère que vous avez apprécié cette émission. Si vous l'avez pris en cours, n'oubliez pas de retrouver donc le replay de l'émission sur le site donc de Radio Fadjet. Dorothée, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de l'instant présent. Avec plaisir. Et pour terminer, on va écouter donc une chanson, c'est Miley Cyrus avec Flower, qui est donc un véritable hymne à l'amour de soi. À très bientôt et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.